Et tu vois, le plus grand des conflits qu'il y a eu dans l'islam, le plus grand tueur de muslims, c'est qui? Sont les musulmans eux-mêmes. Par les attentats actuellement, cette époque, dont les koufars n'ont pas de se plaindre, les plus grandes victimes des attentats sont les musulmans eux-mêmes. Alors, il y a plus d'attentats ici dans le pays d'islam. S'il y en a un chez vous, il y en a 10 chez nous. S'il y a 10 morts chez vous, il y en a 1000 chez nous. D'accord? Donc les gens les plus amenés à devoir combattre le terrorisme sont les musulmans eux-mêmes. Ce qui prouve bien que ce terrorisme n'est pas de l'islam, parce que les plus grandes victimes du terrorisme sont les musulmans eux-mêmes. Tu vois? Donc c'est ridicule. Et ce terrorisme, on sait également qu'il est le fruit de manipulation qui vient des koufars. Ça sert de ça. Mais en réalité, ils sont derrière. Ce sont eux qui manigancent pour en arriver à ce stade-là, pour ensuite en faire une contre-darwa. On dit que les musulmans sont des terroristes. On dit les actes terroristes qui ont marqué l'histoire. En islam, c'est une chose nouvelle, ça. Il y a encore une cinquantaine d'années, ou voire peut-être un peu plus, les premiers à avoir apporté les actes terroristes, la base des attentats terroristes, explosions et tout, ça venait des croix des musulmans. D'accord? Comme des gens comme Syed Qutb et autres. Ce sont eux qui ont planté ce fikr. Osama Ben Laden, c'est Ikhwani. Hein? Il dit Salafi, c'est pas Salafi, c'est Ikhwani. Il croit les musulmans, les frères musulmans. Sa base, c'est ça, lui. Et les plus grands terroristes, les gens qui complotent, qui font des assises secrètes ou quoi, ce sont les Ikhwan musulmans, c'est pas les Salafis. D'accord? Et les Ikhwan musulmans, c'est quoi leur tadika? Ressembler le plus de possible au koufar pour prendre le pouvoir. Pour te dire. Et les plus grands vendus de la religion, ce sont eux. Du moins parmi les plus grands vendus. D'accord? Parce que leur but, c'est quoi? C'est pas un takoun qui n'aime tout le monde. C'est pas que le tawhid prédomine, c'est d'avoir le pouvoir. Et ils disent, si on a le pouvoir, c'est pour mettre la charia. On dit la charia, dans ton propre foyer, tu n'arrives pas à l'appliquer. Avec tes frères, tu n'arrives pas à l'appliquer. Et comment tu t'y prends, tu n'arrives pas à l'appliquer. Donc quand tu le regardes, ce que tu vas faire, tu ne vas pas l'appliquer également. On a vu, par exemple, en Misr, ils ont eu un président Ikhwani. Ils ont appliqué la charia. Voilà, chez. Dans le pays, tu vois que ils ont les présidents, ils ont des mouyoules vers les Ikhwan. D'accord? Est-ce qu'ils ont plus que la charia? Voilà, chez. Donc, faut qu'ils arrêtent leur cinéma. Et ils prétendent ça, le pays qui a plus lui la charia actuellement sur la Saoudie, ils n'ont pas de la combattre. Donc, vous êtes hypocrites. Normalement, vous devriez appuyer la Saoudie et combler les manques qu'il y a chez eux. Alors, vous savez, vous les combattez, vous les rendez mécréants. Et ben, vous avez rien compris. Donc, si vous avez le pouvoir, vous allez faire quoi? Et la médiation mobile. Les Ikhwan, ils ont dit, le jour où on a le pouvoir, les premiers par qui on commence, c'est vous. C'est ça, la vie. Les premiers, c'est vous. Donc c'est ça ton tawhid, c'est ça ta charia. Tu es les awliya d'Allah. Ben, c'est vraiment Allah. Qu'Allah ne vous donne pas le pouvoir. Allah. Qu'Allah ne vous donne pas le pouvoir. Parce que franchement, ça fait rien comme dans le hadith, là. On se tue entre nous. Regarde, c'est quoi la guerre qu'il y a en Libye? Comme conflit, c'est quoi? Parce que les gens qui ont le pouvoir actuellement, on va dire d'un côté du pays, sont des Ikhwan. Donc les autres, ils les combattent. Mais c'est pas le pouvoir aux Ikhwan. Donc combat entre quoi? Entre les musulmans. Les ulama, ils ont dit, c'est un combat de fitna, c'est majouz. Ce sont des musulmans qui s'entretuent. Pourquoi? Pour le pouvoir. Et ils sont en train d'aider une personne qui employait les salafis. Soit disant, ils ont dit, attends, de ulama, tu vois, la ulama, maintenant, c'est derrière. Donc les salafis s'engagent dans l'armée pour combattre les Ikhwan. Pour aider un homme de pouvoir. Sans le pouvoir, le jour, il aura le pouvoir. Tu vois que c'est la charia qui va mettre en place. Il va mettre la démocratie en place. Et toi, tu vas l'aider à faire cela. Tu tues des musulmans, pourquoi? Pour que demain, l'homme que tu encourages, que tu soutiens, il va mettre la démocratie en place. On va pas mettre la charia en place. Et tu fais quoi, là? Tu vois? C'est le fondant. C'est le fondant. Et les koufars, derrière, et Allah, ils alimentent le feu. Comme le petit lézard qui soufflait sur le feu d'Ibrahim. Ils alimentent. Tiens, des armes à toi. Tiens, des armes à toi. Tu vois? On est avec toi. En même temps, on est avec toi. Allez, tapez-vous, on vous regarde. Et après, quand vous êtes tous tués, on ramasse. On vient, on ramasse la S et on s'installe.